Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'industrie du taxi à Montréal. De quelle façon les propriétaires de flottes exploitent-ils leurs chauffeurs? Bien, d'abord, par la location élevée qu'ils demandent pour leur voiture, et ils font payer en plus l'essence aux chauffeurs de taxi. Ensuite, parce qu'ils ne leur offrent aucune sécurité sociale, telle salaire minimum, assurance chômage, vacances. Pas facile, la vie de chauffeur de taxi. En 1964 déjà, le chauffeur de taxi Germain Archambault, qu'on vient d'entendre au micro de Gérard Lachance à l'émission Métro Magazine, publie le livre « Le taxi, métier de crève-faim », dans lequel il décrit les conditions de travail difficiles des chauffeurs de taxi. En fait, les chauffeurs de taxi vont périodiquement manifester leur mécontentement et dénoncer leurs conditions de vie difficiles au fil du temps. Récemment encore, ils prenaient la rue à Montréal pour dénoncer l'adoption d'un projet de loi qui allait, selon eux, tuer leur industrie. Je suis un chauffeur de taxi, à votre service le jour, la nuit. Je connais tous les raccourcis sur les chemins de mon pays. Si vous voulez... Ouais, j'ai commencé vers 8 heures ce matin, j'ai 16 $ de fait, trois balades. Trois balades, 16 $. Ouais. Vous finissez à quelle heure? Je finis à 4h30 cet après-midi. La voiture me coûte 45 $ de location, sans compter l'essence. Aussitôt le soleil sorti, on est fait. C'est comme, il faut changer de métier l'été sur le taxi. Pourquoi, quand le soleil sort, vous êtes fait? Ben, c'est que les petites balades à 3-4 $ contre ça, qui arrivent très fréquemment contre ça en hiver, il n'y en a plus de ça. Alors, pour la petite balade de 3-4 $ ils vont marcher quand le soleil brille, hein? C'est en plein ça, ouais. Ça va mal, le taxi à Montréal, hein? Très mal, oui. Moi, j'ai lâché pendant 10 mois de temps cet été. Au début de la récession de l'année passée, j'ai lâché. Puis là, j'ai recommencé il y a 2 mois, mais je pensais pas que c'était si terrible que ça. T'as pas de stabilité de revenu quand t'es dans le taxi, c'est ça qui arrive? Aucun. J'ai peur de faire un achat. J'ai toujours peur. Et des journées, ça va superment bien. J'ai de l'argent, mais ça dure pas. C'est ça qui arrive. Si vous voulez vous promener, surtout si vous êtes pressé, vous n'avez rien qu'à signaler, mon numéro très tôt, j'y serai. Sur la chanson « Le chauffeur de taxi » de Raymond Rouleau, vous entendiez un extrait d'un reportage de Bernard Drainville dans lequel il interviewe le chauffeur de taxi Arsène Santos à l'émission « Les affaires et la vie » en 1992. Pour nous raconter l'histoire du taxi à Montréal, je reçois Jean-Philippe Warren, qui est professeur au département de sociologie et d'anthropologie de l'Université Concordia à Montréal et qui vient de publier le livre « Histoire du taxi à Montréal, des taxis jaunes à UberX ». Jean-Philippe Warren, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous êtes-vous intéressé, Jean-Philippe Warren, à cette histoire du taxi à Montréal? Ben d'abord parce que le taxi, c'est un objet à la fois familier et mystérieux. Tout le monde qui nous écoute a sans doute pris au moins une fois dans sa vie un taxi. Pourtant, on connaît peu de choses sur ce milieu. Et c'est un milieu qui est réellement fascinant. Et pourquoi il est fascinant? D'abord et avant tout parce qu'à travers lui, on est capable de refaire l'entièreté de l'histoire de la société québécoise. On touche à peu près à tout lorsqu'on s'intéresse au taxi, aux relations ethniques, à l'immigration, à l'industrialisation du Québec, l'urbanisation évidemment de Montréal. On touche aux politiques municipales, à l'intervention gouvernementale. On touche à la question de la finance. Oui. C'est vraiment un milieu qui permet d'ouvrir la société québécoise sur une dimension d'elle-même qu'elle connaît peu et qui est pourtant fascinante. Puis il y a un aspect, puis ça vous intéresse évidemment, plus purement sociologique. Vous parlez d'ailleurs souvent des chauffeurs de taxi en disant que s'intéresser à la vie des chauffeurs de taxi, c'est s'intéresser à une forme de sous-culture. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est parce que le milieu du taxi, c'est un milieu très particulier. C'est difficile de faire le portrait robot du chauffeur de taxi, de l'idéal type du chauffeur de taxi. Il n'en reste pas moins que ce milieu-là a sécrété une culture qui lui est propre. C'est une culture qui est à la fois écartelée entre, d'un côté, un sentiment de liberté, de volonté d'émancipation. Le chauffeur de taxi, d'ailleurs, se décrit souvent comme le cow-boy de la ville. Et puis de l'autre côté, un sentiment d'être écrasé, d'être oppressé par des pouvoirs qui lui échappent. Et donc, ça fait du milieu du taxi un milieu qui est à la fois très enclin à militer, à combattre, à défendre ses intérêts, puis de l'autre côté, à être, avoir toujours l'impression d'être victime de pouvoir qui le dépasse. Oui. Ça commence quand, donc, cette fameuse histoire du taxi chez nous, à Montréal, Jean-Philippe Warren? L'histoire du taxi commence à proprement parler en 1910 avec l'introduction du taximètre. C'est d'ailleurs le taximètre, l'instrument de mesure, qui a donné son nom au taxi lui-même. Et lorsqu'on arrive avec le taximètre qu'on installe sur des automobiles, eh bien, on peut offrir la possibilité à des gens de se déplacer et de payer en fonction de la distance parcourue. À l'époque, seuls ceux qui ont beaucoup d'argent peuvent se permettre d'un côté d'avoir un taxi. Une voiture coûte 3 500 $, c'est-à-dire une véritable fortune pour l'époque. Et puis de l'autre côté, seuls ceux qui ont passablement d'argent peuvent payer le 2 ou 3 $ que ça en coûte pour emprunter ce mode de transport. 2 ou 3 $, c'est énorme. Évidemment, c'est beaucoup plus que le 5 sous que coûte le prix d'un billet de tramway au même moment. Ouais, donc, c'est un au début, c'est un service un peu de luxe, on va dire ça comme ça. Dans l'histoire du taxi, il y a quelques dates importantes. 1910, la création, l'apparition du taxi et du taximètre à Montréal. 1922, l'apparition de la compagnie de taxi Diamond. Pourquoi c'est un jalon important de l'histoire du taxi à Montréal? C'est un jalon important parce que de 1910 à 1922, ce sont d'abord et avant tout des grandes compagnies qui monopolisent le mode de transport par taxi à Montréal. On achète d'abord un taxi, puis ensuite de ça, puisque les affaires vont bien, on en achète un deuxième, un troisième et un quatrième, et on a une petite flotte de taxis. Cette petite flotte-là emploie des gens qui sont payés à l'heure, donc qui sont salariés. Et puis, on veut offrir les meilleures conditions de transport à la clientèle, à des voitures qui sont comparées à des limousines et puis qui sont conduites par des gens en livrée avec casquette, cravate et veston. Et puis, en 1922, on s'aperçoit que ça coûte beaucoup trop cher d'offrir un tel service. C'est beaucoup mieux d'avoir une association de services qui donne donc la possibilité d'avoir, entre autres, une centrale téléphonique pour rejoindre les taxis. En contrepartie, on demande aux gens de verser un montant mensuel pour avoir le droit donc d'être membre de cette association de services. La première à Montréal, qui a été fondée pour la première fois, c'est Diamond en 1922. Oui. Et donc, on loue, le chauffeur, à partir de ce moment-là, loue sa voiture, en fait, loue le permis de taxi qui lui permet d'offrir ce service de taxi. Bon, une autre date qui est importante, on l'a vu, donc 22, la création de Diamond, c'est important pour les raisons que vous venez d'invoquer, mais 1936, ce système-là a des limites et on le voit en 1936 parce que les chauffeurs de taxi décident de déclencher une grève. Pourquoi les chauffeurs partent-ils en grève, Jean-Philippe Warren? Pour avoir accès aux bons hôtels, aux grands restaurants, aux gares de train, là où il y a vraiment une clientèle pour le taxi, il faut faire partie de l'association de services parce que l'association de services, elle, a eu le monopole de ces endroits qui sont privilégiés en contrepartie d'un montant qu'elle donne, donc soit à l'hôtel, soit au restaurant, soit à la gare de train. Et donc, on ne peut pas avoir accès à ces lieux privilégiés sinon à être membre de l'association de services. L'association de services en profite pour étendre de plus en plus son empire sur la ville de Montréal. On demande non seulement aux gens d'être membres pour pouvoir conduire leurs clients dans les bons endroits de Montréal, mais aussi on leur demande de prendre leur essence dans les stations-service qui sont détenues par l'association de service. On demande aux membres également d'acheter leur automobile chez les concessionnaires qui sont la propriété des associations de service. Et de plus en plus, le chauffeur se sent étouffé par tout ce qu'il doit verser semaine après semaine à l'association de service. En 1936, on n'en peut plus, on trouve que les frais sont trop onéreux. Et il y a donc la première grande grève à Montréal, ça va durer quelques jours. On dit trop, c'est trop. Il n'y a plus de taxis qui circulent dans les rues. Et puis, on se dit, il faut vraiment briser l'association de services Diamond. Ouais. Et qu'est-ce que ça va donner, en fait, cette grève-là? La grève va donner la possibilité de créer une deuxième association de services. En fait, elle va donner d'autres choses, mais essentiellement, elle va donner la création d'une deuxième association de services qui fait concurrence donc à iDiamond. L'association de services LaSalle. Et donc, il va y avoir deux associations de services à partir de 1936. Le membre a le choix de s'associer soit à iDiamond, soit à LaSalle. Ouais. Ce qui fait qu'il y aura probablement des assouplissements, je présume, du côté de la gestion de ces grandes associations-là. C'est l'histoire du taxi vraiment une histoire de lutte, on pourrait dire de lutte ouvrière, en fait de revendication des chauffeurs. C'est une vie difficile, on l'entendait dès le début de l'émission. Et donc, les chauffeurs vont essayer au fil du temps d'améliorer leurs conditions de vie. Donc, première grève en 36. En 69, autre date très, très importante, le 7 octobre 69, on assiste à une émeute aux installations de la compagnie Murray Hill. On écoute Normand Lester qui raconte ce qui s'y est passé le lendemain matin au Radio-Journal du 8 octobre 69. C'est une manifestation qui a commencé très paisiblement. C'est une manifestation du mouvement de libération du taxi qui réclame évidemment qu'on abolisse le monopole de la compagnie Murray Hill à l'aéroport de Montréal. Donc, 76 chauffeurs de taxi se sont réunis au quartier général de cette organisation, rue Garnier. On a défilé jusqu'à l'hôtel de ville. Les chauffeurs de taxi se sont réunis devant l'hôtel de ville. Il y a eu un discours, un porte-parole du mouvement leur a dit que maintenant ils se dirigeaient vers Murray Hill, que la manifestation devait être pacifique. Tout s'est déroulé dans l'ordre jusqu'au moment où les chauffeurs de taxi ont rencontré une automobile Murray Hill, le coin des rues Saint-Antoine et de la Montagne. On a immédiatement cerné cette automobile-là, on a fait descendre le chauffeur, on a fait descendre le passager, puis on l'a renversé. Alors là, les chauffeurs de taxi ont continué vers le sud, ont descendu de la montagne, se sont rendus rue Barré devant l'édifice de la compagnie Murray Hill. Mais à ce moment-là, il n'y avait plus uniquement des chauffeurs de taxi. On reconnaissait, disons, des agitateurs professionnels, des membres d'organisations d'extrême gauche, des membres du Front de libération populaire, des membres de diverses organisations maoïstes et des visages qu'on reconnaît à toutes les manifestations. Donc la soirée du 7 octobre 69, on le comprend bien en écoutant cet extrait, elle est plutôt tendue. Comment on en arrive à ce qui va devenir carrément une émeute, Jean-Philippe Warren? Oui, c'est vraiment, on assiste vraiment à une émeute. Il faut savoir que les policiers sont alors entrés en grève de manière impromptue, donc sans préavis. Ils se sont rassemblés au centre Paul Sauvé. Ils ont voté une grève immédiate. Il y a donc plus de policiers dans les rues de Montréal. C'est un peu inouï à s'y l'imaginer aujourd'hui. Les chauffeurs de taxi ont la possibilité d'être rejoints très facilement parce qu'ils ont chacun une radio dans leur automobile. Donc, ils lancent un mot d'ordre à l'ensemble des chauffeurs de taxi de se rassembler devant l'hôtel de ville. Puis, puisque l'hôtel de ville est fermé à ce moment-là, on se dit, si le temps, les policiers ne sont plus là pour nous surveiller, c'est le temps d'en profiter pour assiéger Murray Hill, qui leur pose une concurrence qu'ils trouvent illégitime. Pourquoi? Parce que Murray Hill, c'est une compagnie de limousine, c'est pas une compagnie de taxi, c'est une compagnie de limousine, mais qui a obtenu depuis déjà très longtemps le monopole à l'aéroport de Montréal, qui s'appelle alors l'aéroport d'Orval. Et à l'époque du monopole, il y avait très peu de voyageurs aériens. Mais à partir de 1945, c'est évidemment une inflation incroyable du nombre de voyageurs internationaux qui transitent par l'aéroport de Dorval et un écroulement, on pourrait dire parallèle, du nombre de gens qui se transportent par bateau ou par train. Et les chauffeurs de taxi voient leur échapper ce qu'ils considèrent être une mine d'or, c'est-à-dire le transport à l'aéroport de Dorval. Ils disent « ce n'est plus acceptable, il faut aller devant Murray Hill et les provoquer. » Ça va conduire à une véritable émeute. Il va y même avoir mort d'homme. Et avec, au bout du compte, le bris de sa monopole ou pas? Éventuellement, oui, très, très, très peu de temps plus tard. Donc, dans les mois qui ont suivi, le gouvernement fédéral et provincial et les autorités municipales de Dorval et de Montréal sont réunis pour mettre un terme au monopole de la compagnie Murray Hill. Oui. Et puis juste, donc ça, c'est en 69, mais cette émeute de 69, au fond, elle s'inscrit dans un contexte qui avait commencé quelques mois, quelques années plus tôt. En 68, au fond, est créé le mouvement de libération du taxi, qui sera derrière le mouvement de manifestation contre la Murray Hill, dont on vient de parler. Parle un petit peu de cette association-là, du discours aussi qu'on y tient au mouvement de libération du taxi. On a fait des rapprochements entre le MLT et le FLQ à la même époque. À quoi tiennent ces rapprochements? À quoi tient cette proximité entre les deux organisations? Ils sont d'abord, ces rapprochements, dus à des proximités directes et concrètes. Il y a des membres du mouvement de libération du taxi qui vont ensuite graviter dans le monde du FLQ. Donc, il y a vraiment des passerelles entre les deux organisations. Mais il y a aussi, évidemment, beaucoup de parallèles idéologiques et beaucoup de complicité idéologique. Murray Hill est une compagnie qui est à la fois anglophone et bourgeoise. Et c'est justement la cible, au même moment, des attaques du FLQ, qui se veut un mouvement socialiste et nationaliste. Et donc, pour les gens du taxi, il est comme normal de s'associer avec les autres forces vives de la société québécoise qui cherchent à émanciper le peuple, la population ouvrière, d'autant plus que le chauffeur de taxi, il faut le savoir, c'est un des seuls à Montréal qui est capable de naviguer entre plusieurs milieux, entre plusieurs classes sociales à la fois. Il est recruté, le chauffeur de taxi, dans la vaste majorité, dans les milieux les plus humbles, les plus modestes du Québec, de la métropole de Montréal en particulier. Et puis, en même moment, il va constamment visiter les plus beaux quartiers, oui. Le Westmount, Outremont, etc. Et donc, il est choqué, le chauffeur de taxi, par le scandale qui existe dans la société québécoise, dans cette fracture entre les classes sociales, entre les plus pauvres et les plus riches. Au début des années 80, autre date importante pour ce qui est de cette histoire du taxi à Montréal, l'industrie est plongée dans une crise. Il y a vraiment une vague de racisme qui déferle sur l'industrie du taxi. On écoute à ce propos un extrait de l'émission Ce soir du 8 juillet 1982. La compagnie Beaubien Taxi congédiera ses 50 chauffeurs noirs si les autres compagnies de taxi ne sont pas forcées d'embaucher des noirs. Plus tôt cette semaine, SOS Taxi congédiait 25 chauffeurs haïtiens pour des raisons économiques. Yves Desautels explique le problème. Sur les 10 000 chauffeurs de taxi à Montréal, 1 500 sont noirs. SOS Taxi vient de congédier 25 d'entre eux, mais le problème n'est pas nouveau. Déjà en avril, 200 chauffeurs haïtiens perdaient le droit de prendre des clients à Dorval. Jusqu'en avril 82, 90% des chauffeurs de taxi de Dorval étaient haïtiens. À partir du 1er avril, il y a à peine 2% d'Haïtiens qui peuvent travailler à Dorval. En un an, SOS Taxi a perdu 2000 appels par jour. La compagnie affirme que d'autres associations se vantent de ne pas employer de Noirs, ce qui lui fait perdre des clients. Coop Montréal a récupéré 75 propriétaires blancs qui travaillaient pour SOS. Coop Montréal ne compte aucun chauffeur noir. Ce n'est pas par racisme, explique le représentant Jean Chaillé, c'est parce qu'un noir doit être parrainé par un membre pour faire partie de la coopérative. Si les membres actuellement de la coopérative, on en est 150 maintenant, ne parrainent pas d'Haïtiens, c'est pas de la faute à personne. Si les membres le veulent pas, qui a créé ce climat? J'en ai aucune idée. Un fait est certain, plusieurs clients refusent de monter dans une voiture conduite par un noir. La personne qui veut pas, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Hein? Mais moi, c'est parce que tout ce qui se passe dans le taxi, ce sont toujours les Haïtiens qui en paient la note. Le reportage d'Yves Desautels à l'émission Ce soir du 8 juillet 1982. Comment en arrive-t-on à cette crise de 1982, Jean-Philippe Warren? Ça a toujours été mal dans l'industrie du taxi, à part quelques brefs périodes d'accalmie. Mais disons qu'à partir de la crise économique de 1980, les choses sont déplorables dans l'univers du taxi. Ça va très, très, très mal. D'abord, il y a aussi, il faut s'en souvenir, l'ouverture de l'aéroport de Mirabel qui coupe en deux le trafic aérien à Dorval. C'est une perte de revenus pour les chauffeurs. Et puis, ensuite de ça, il y a la dépression économique qui fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de gens qui, comme touristes, visitent Montréal ou comme hommes et femmes d'affaires, visitent Montréal. Et au même moment, on assiste à la hausse fulgurante du nombre de chauffeurs noirs à Montréal. C'est à peu près une douzaine de chauffeurs noirs qui travaillait à Montréal en 1970, donc une douzaine. Et puis, on se retrouve avec presque 1500 chauffeurs au tournant des années 80. Mmh. Et les chauffeurs de Montréal se disent, ben, il faut bien qu'il y ait quelqu'un ou quelque chose qui soit responsable de notre malheur. On cherche depuis très longtemps des boucs émissaires. C'est quelque chose qui est constant dans l'univers du taxi de Montréal. Et puis, on se dit, ben, c'est la faute aux Montréalais d'origine haïtienne, ils vont être ciblés par un peu tout le monde. Ils vont être ciblés évidemment par les chauffeurs de taxi, par les propriétaires de flotte, par les clients et les clientes, par les associations de services et jusqu'aux policiers qui vont avoir des témoignages extrêmement durs devant la caméra et dans les journaux pour stigmatiser la population d'origine haïtienne de Montréal. Ouais. 1987, autre date importante, les chauffeurs de taxi, l'industrie essaie de s'organiser de plus en plus. On crée le bureau du taxi de Montréal. Pourquoi c'est important? C'est important parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui cloche dans l'univers du taxi de Montréal. Il y a vraiment une crise profonde qui affecte le métier de chauffeur de taxi. Il faut absolument intervenir pour redresser les conditions de travail. Il y a deux possibilités. D'un côté, il faut absolument réduire l'offre de taxis à Montréal. Et donc, on instaure un plan de rachat. On rachète des permis d'exploitation à partir de 1985. Et puis aussi, il faut ouvrir des nouveaux débouchés, avoir plus de demandes pour le taxi. Et le bureau du taxi de Montréal va veiller à ce que ces deux voies puissent être poursuivies par les chauffeurs de taxi. Il va y avoir aussi la volonté d'offrir une meilleure formation aux chauffeurs parce qu'il y a toujours des plaintes à Montréal, des chauffeurs qui ne savent pas conduire, qui ne savent pas où se diriger, connaissent mal la ville. Et puis aussi les voitures. Les voitures sont réputées à Montréal pour être dans des conditions déplorable. Il y a vraiment des témoignages presque, on va dire, loufoques là, de voitures qui sont défoncées. Les planches, il y a des trous dans les planchers. Les portes se ferment avec de la broche. Le bureau du taxi de Montréal veut absolument intervenir pour que le métier de chauffeur de taxi connaisse un renouveau dans la métropole. Ouais. Professionnalisation du métier, en quelque sorte. Dernier épisode, c'est tout près de nous, dans l'histoire du taxi à Montréal. Ça nous ramène, en fait, au printemps 2019, au moment où le gouvernement québécois dépose un projet de loi qui modifie complètement les règles du jeu dans l'industrie du taxi. 7 heures lundi matin, des centaines de chauffeurs de taxi montent au front. Depuis Anjou et Laval, des convois quittent pour prendre d'assaut les principales artères routières. C'est le dépôt du projet de loi 17 qui a galvanisé les troupes. Déposé la semaine dernière par le ministre des Transports, cette réforme ouvre la porte à la concurrence des services de transport comme Uber, mais surtout abolit les permis de taxi. Si s'il est approuvé, la loi 17, c'est une faillite générale. Ils sont nombreux à craindre d'énormes pertes financières. Hassan Sioudah a emprunté 180 000 $ pour l'achat d'un permis de taxi et est loin d'avoir terminé de rembourser. Je travaille de 4 heures du matin jusqu'à 8 heures, 9 heures du soir. Je ne vois pas mes enfants à cause de ça, pour payer les traites, pour payer les frais. C'est tout, c'est cher, c'est cher, c'est cher. Chez lui, comme chez bien d'autres, l'inquiétude est palpable. J'ai mis mes REER, mon fonds de pension. J'ai vendu tout ce que j'avais, puis je l'ai mis dans un permis de taxi. Du jour au lendemain, il va me dire que non, vous n'avez plus, vous n'avez pas aucun sou. Mais de quoi je vais vivre, moi? Qu'est-ce que je vais faire? Le reportage de Kim Vermette au Téléjournal du 25 mars 2019, au moment où le gouvernement Legault a présenté un projet de loi qui revoit complètement les règles du jeu de l'industrie du taxi. Il y a des chauffeurs à l'époque, vous l'avez entendu dans le reportage, qui disaient, Jean-Philippe Warren, c'est la fin de notre industrie, ce projet de loi-là. Terminons là-dessus. Est-ce qu'on assiste au Québec, parlons de Montréal et du Québec, à la fin de l'histoire de cette industrie ou à une nouvelle page qui se tourne? Alors, c'est certainement pas la fin de l'histoire du taxi à Montréal, mais c'est définitivement un nouveau chapitre. Il va toujours y avoir des taxis à Montréal pour un très, très long avenir. C'est pas ça qui va disparaître, mais la profession elle-même, elle est mise en péril. Elle est mise en péril parce qu'elle est envahie désormais par un nombre considérable d'occasionnels. Il faut savoir que 94 % des gens qui se branchent sur Uber pour devenir chauffeurs sont disparus de la plateforme après un an. Ce sont des gens qui font ça en transit entre deux travails, entre deux contrats, parce qu'ils sont artistes ou pratiquent d'autres métiers où ils ont plus de flexibilité dans leur horaire, ne sont pas des chauffeurs professionnels. Le projet de loi du gouvernement du Québec, ce qu'il menace à court et à long terme, c'est vraiment le métier de chauffeur lui-même. Est-ce que ça, il va y avoir un avenir pour lui dans le nouveau contexte? C'est pas sûr. Ouais. Jean-Philippe Warren, c'était passionnant de vous entendre nous raconter cette histoire du taxi à Montréal, professeur au département de sociologie et d'anthropologie de l'Université Concordia, auteur, je le rappelle, du livre « Histoire du taxi à Montréal, des taxis jaunes à UberX ». Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.